بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدس العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين بالسند المتصل، ومنها المتطور، ومنه تطور العبادات البدنية والمعاصي البدنية صورا. من هو من أبوك نتي خم خمي إنك خمين تنينيس يا الله عارف نبي الله رضي الله تعالى عنهم يوم يوكو خم تجاكو كوتي راني كوتي متريزكو موي بوك نتي علم خم خم التطوري manam tatawur moy lo xamne day jaar am étape par étape lo xamne day joggé ci ben étape dem ci benen étape moko wajja alnakum atwara wa khalaqnakum bok atwara wa khalaqakum wa unnikala malakum la taduna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara akay atwar tawra moy lol manam étape par étape lepp luy joggé ci étape bi dem ci benen étape lolou xam xam ya ca aju le fait que muy meuna am mel nonou lola ñom ñoko xam wa minute bok na ci tatawuru etape yoy di muy jël al ibadatu jamu yi al badaniyati yey ko jog yaram wal maasi ak moy al badaniyati yey ko jog yaram suwaran ci senuk melo manam ci senuk melo wa manam niveau yi ak etape yi nga xamne mom la jamu yalla yi di am ci yaram ak ni nga xamne mom la nit ñi di moye yalla tamit manam étape yi ñi jaar bu processus yi ba jaamu yalla gi mëna exister ak processus bi ba moye yalla bi mëna am ñu may processus la yé nak ñom seen xam xam la mëna wa mina bok na ci almu xam xamu almudad nayat moy mi ngi joggé ci al lu ñu wax adunu manam jégeñ li nga xamantene mom moy lañuy jëfé ba pour mëna jégeñ ak yalla ke ko jog bur yalla lepp lo xamantene man na tax nit ki am maqam ak adunu manam mom moy jegeñ yalla deug deug jegeñ lolou mom moy manam lolou ay xam xam la yo xamantene ñom wali ñom ño xam radiyallahu anhu mina bok na ci ilmu xam xam ashabul fatarat manam moy ñi nga xamne ñom ñoy wa ahlul fatra ashabul fatarat moy al fatra buñ ko waxe moy periode bo xamantene ab yenent ñewul manam digënté ben yenente ba benen yenente di ñëw nga xamné ñom amuñu ben recevoir uñu ben mission ben yenente ñoom ñom lañu ñom ñu ahlul fatra moy ashabul fatra ñoo nak waxuk meem ak seeni atta indallahi fa bur yalla taala so bur yalla fi dunya mo xam ci aduna la wala akhirat ak alakhirah wa kon loolu mom moy kon xam xam yoy non nga xamantene ñom ñoko amé légui manam moy wa fatra ahlul fatra kon ni moy ñu wax legui ni ñom dañu am xam xam bo xamantene ñom ñoko jox ñom manam dafa am seen atté mais subhanallah boy xol borom xam xam yi rahmatullah alayhim nga dem ci sharh yi ñu shara te li aju hadith yi wax ci affaire fatra yi nga xamantene dafa concerner ahlul fatra nga xol len nga xol niñ ci tout ce qui tourne autour de da ngay gis ne borox xamé dañu am problème bu mak pour définir pour meuna firi ben ay yi ci wax wala hadith yi manam meun leena dajalé meun leena bolé xamna lañ leen di bolé ba meuna génné deug deug yenn até ndax leg leg da ngay dégg yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu kenn daal né day dem safara té ci ñooñu la bokkon wala mu tuddu kenn daal né mom day dem aljana ci ñooñu la bokkon wala bu nga gis alquran di wax né ñooñu yalla du mbugal nit fek mo mako namo adbina hatta naba rasulun duñu mbugal kenn fek wacciwuñ ci mom yenen ay salam ala alayhi wassalam ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam alquran li tunzir qauman ma unzir abaahum fahum ghafilun daño wat dañ la yoni pour nga war ay nit ño xamantene seen baye kenn waru leen won ñoo te ñom daño nekk ci ñu yëgëti manam ño xam daño sag na nek dans une ignorance et une négligence totale etc nga xol ak hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñew par exemple di wax ne ñen ñi ci wa ahlul fatra dañu dem safara ak yu demé non manam nga gis affaire bi mbir mi day leunt day mujju manam leunt ci bop borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ba nga xamantene ñeneen ñi comme amna an-nawawi par exemple mom dafa japp ne wa ahlul fatra ñun ñep dañuy dem safara bu fekente ne tawhid amuñu tawhid nga gis ñeneen ñi ñu ne dedet dina ñom ñep dañuy dem aljana parce que yeenanti waccul ci ñom nga gis ño xamantene comme ki yeenanti bi sallallahu alayhi wasallam wax ki ñewon fan la sa papa nek mu ne ko sa papa mi ngi safara après sax d'ailleurs motax hadith bobu non abuka wa abi finnar sa papa ak sa papa yeb ni ngi safara hadith bobu leunt ci bop nit ñi manam mais da fekk ne hadith bobu non problème daf ci am ci déjà ci isnad bi donte mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah ndax hammad ibn salama rahimahullah taala moko solo te hammad ibn salama donte imam la waye en général manam dafa am ay tawahumat man dafa faral di faté wala muy joom ci ni mi netale lol mom motax imam al bukhari rahmalahu indi wul ci mom ben hadith lulul mutabatan manam indi wul ci mom ben hadith sax lulul ben yon ci raqiqa ci raqiqa bi ben rek la ba pare hadith bi nekul hadith mu ki bu joklo ba ci yentou sallallahu alaihi wasallam du mort fo niki nonu imam muslim rahmalahu don won indi ci mom hadith bu lulul mutab ci mutabati manam danuko won indi mu nek ciosan say indi haditham c'est pour wanene wax ji ma indi won hadith bi wessu bi hadith dakoy gëna deugëral kessé mais mom haditham nekul won hadith bu muy jëfëliko diko utiliser ak mu nekk ciossam mais daf don ba paré da don ségg hadith yi mu don toxalé ci mom mais ala kulli hal problème même malgré que kon mi ngi ci sa imam muslim rahimahullah hadith bo do am problème déjà donte mën nañ ko interpréter né bu neko sa baye yenen ci sa bu neko sa papa ak sa papa manam mom papa mu daali wax né Abu Talib mën nañ ko interpréter né Abu Talib la et cetera et puis tamit hadith bi ñëw na ci yeneen yi riwayat yu bare bare yu nekk ci yenn sunan bayhaqi yenn mu'jami masanid musnad imam ahmad rahimahullah et cetera yo xamantene amul baatu wa abu kafinar yépp amu ci donc manam pour wax la né la manam hadith bobu ci bofu dafa poser problème mais téréwul borom xoxom rahmatullah alayhi dañu am problème définir deug manam wa ahlul fatra pour wax la nit yalla yi radiyallahu anhu legui nañu manam dama def introduction bu ndaw bi ci wa ahlul fatra le fait que mu indi problème ci borom xam xam rahmatullahi amna sax ñu wax ne comme ko mel al hasib ibn kasir rahimahullah mom affaire bi dafa problématique ba daf ko beral bim ci tafsiram bi daf ko beral parti bu mak gestu bu reuy pour leral masala bobu and ak lolu mom limu wax daf ni li gëna deuguer amana inshallah moy buñu yonne yom manam yawmal qiyamati buñu dekkale nit ñi dañuy nattu ñi nga xamantene ñom ñoy wa ahlul fatra ñom yalla da leen di natt bu leen natto kep ku réussir man day def ben examen pour ñom kep ku réussir examen bobu da ngay dem aljana kep ku xamantene réussiruloko manam moy wone ne ku yalla xamne yow bo nekkon fi ci kaw suuf dang koy wedd da ngay dem safara manam loolu mom loolu la mujjë wax hatta al hafiz ibn hajar rahimahullah biñu wax ci wajur yerennti bi sallallahu alayhi wasallam def ni comme ñom ci ahlul fatra lañ bokkon dañuy yaakar ne rek buñu leen yalla natto bu boba ñom dañuy réussir ndort gogul luñu mëna am ci wajur yerennti bi sallallahu alayhi wasallam mais manam pour wax la ulama zahiri andak ne ñom ay borom xam xam manam donte dugg nañ ci tasawuf bi tut mais xootuñu ci comme arifuna billahi yu makki ahlul fatra ak bari ñooñu radiyallahu anhum mi nga xamne non lañ ci xooté pour wax la ne la manam même ñom manam ke ni malgré dugg nañ ci tasawuf mais boudé fiqh bi ak hadith ki bi manam xam xam zahir bi mo upp doole ci ñom lool da fay tax sa problème bobu ñom duñ ko mëna régler su fekente ne anduñu dem laaj aviw ak borom xam xam batini lool yëpp day waral li nga xamantene mom la imam ahmad rahimahullah don def bu daan gacc ci ben masala amna ben soufi bu mu daan dem nan ko lan ngeen wax ci li da bëgg nga léral mo lol mom motax imam an-nawawi rahimahullah budan gatti yena mas'ala yi tamit da dan dem ci al-marakishi rahimahullah radiyallahu anhu nga xamne mom soufi bu magla won wali mo nekkon serignu tariqa mom imam an-nawawi rahimahullah mom la dan dem pour mu gaganti ko ci yena mas'ala yi andak imam an-nawawi ko ne xamna ki mu don manam pour wax la ne la problème manam ne wa ci mas'ala bi tatti manam exactement inshallah dinañu indi li ci walu yi wax pour ñu comprendre né exactement ñom rek ko mëna firi manam ñom rek ño mëna génné problème bobu nga xamantene gaay ñom borom xoxom zahir yi ñom buñu démé dañuy ñen ñi da nga leen di dégg ñu naan oh loolu leunt leunt la bo xamne man awma ci ben safara ñi ci def ne bon dinañ jema xol mais peut-être li mo gëna deugël et cetera mais da ngay gis ne mënuñu régler problème bi mënuñu régler problème question bobu lutax mënuñu ko régler c'est parce que tout simplement affaire dafa succéno les manam xam manam masala bi dafa compliqué ci ñom d'après texte yiñ ci am amul dara lu leen mëna tax ñu mën ci dogo parce que buñu dogo ci ben texte amna yeneene texte yu wax presque lu nuru contraire lu contraire légui xol leen motax donc ci pourtant ci même terre bi ci jeexital bi imam ash-sha'rani radiyallahu anhu manam traité na question bobu waye dafa indi waxu kan al waxu imam muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu légui ñu xol lan lañ ci wax ci masala ci wa ahlul fatra bu ko defé ñu xamné exactement ndégaté ñom ñoo mëna régler problème bobu manam ñom ñoo trouver question bobu manam question biñ ko poser mu nek ap question buñu poser digënté nit ñi digënté diñ ko dalé ci talibé yi borom xam xam yu ndaw yi borom xam xam yu mag yi hein ñi nga xamantene ay kangam lañ sax ay foreur yu fess del lañ ay imam sax lañ ci domaine xam xam yi ak wallu yi nga xamantene ñom arifuna billahi lañ wéssu nañ domaine bobu ñom ginnaw biñu amé xam xam zahir bi wéssu nañ ko ba dem ba am xam xamu batini xoor ci nek arifu billahi yu mag yi radhiyallahu anhu ñu xol manam ana kan mo trouver question manam problème bi buñ ko déggé ana kan mo am 20 sur 20 légui li ni mom moy manam inshallah mom ci nga xamé deug deug né ni arifu billahi exactement question bi dama ko préféré manam fini parce que question la bo xamantene au moins dana servir d'exemple pour le cheikh Omar radiyallahu anhu waxone né fut borom fatkhul akbari ñom dañuy duñu top waxu dañuy manam duñu top ben ngir dañuy wërwërlo and ak deug fu mëna wër dañuy wërwërlo and ak deug fu mëna wër ba paré tamit day tektélé tamit né exemple bi mu joxé won né imam comme li imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu wax nan li exemple ki nga xamné maftuhun alayhi la ak kiko nekul niñu mel mi ngi melni ko xamantene manam ñaar mu ngi melni ñaari nit ñu dugg ci biir ñu nek guddi ki leund ba kenn ki dugg ci mom beccëk ndar kam ki ci dess mom daf ci dugg ci way guddi lawon wala bok dugg ci duggul sax ci nek bi ñom ñi ñom ñaar niñu mëne niñu wuté ci niñu xamé li ne ci biir nek bi nonu la maftuhun alayhi arif billah nonu la uppe non la gëna xamé sharia bi ki nga xamantene mom do arif billah dafa top ci ngir yi ci mazhab yi parfois lu mu deugër ci analyse lu mu ñaw da ngay gis différence day feñ masala bi daf koy illustrer totalement bokku na ci tamit kon lutax ñu préférer masala bi deug pour ci question bi ni manam moy day tax manam li deug sax tax ñu jaar ci téré bi manam pour manam ñu jadd ci moy pour woné ni li cheikh Omar radhiyallahu anhu don préciser limu don woné ci né manam maftuhna lay dañu jago ay xam xam yo xamantene yow lepp luñu la wax lula jaaxal rek war nga japp ne xeyna ci xam xam yoyu nga xamul la yow ba nopp lepp luñu wax bëm buñ ci wuté fuqaha yi ñi manam ñenn ci fuqaha yi parce que mënu ñu wuté fuqaha yi yépp mais buñu wuté ñenn ci fuqaha yi da ngay xamne ñom ñoo am dëgg parce que ñom ñoo ëpp xam xam ñom ñoo ëpp xam xam lu téré ñom ñu upp xam xam té ñom ñoy yéggal nit ñi ci yalla ala kul hal manam illustrer mbir mom non motax exactement masala bi manam intéressé ñu particulièrement légui nañ xol li nga xamné mom la ibnu li imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu tokhale jëre ci ibnu arabi ci même téré bi ñu nekk la voilà manam ci même téré bi ñu nekk la mais ci jéxital bi bi mu jéxal téré bi mu tuddé ko aqsamu ahlul fatra aqsamu ahlul fatra manam moy xajjo wa fatra ñi nga xamné ñom ñoy ahlul fatra ndé ay xajj la yu bari duñu bénn mune ci al futuhatul makkiya ibn arabi radiyallahu ta'ala nu tudduna mbolo ci ñoni non mune ayul mos ñu tuddu ko fi han andak manam mandaxé ko ci règle sharia yi manam ñu xol kon ci règle sharia yi nimu ci démé kon da mu né kon dañuy wax né qala cheikh rahimahullah manam cheikh al ibn arabi abou bakkar muhyiddin Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hatimi at-Ta'i té ñukoy dakantal ci Cheikhul Akbar Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu anhu néna xamal né wa awlul fatara ñom ñoy ñi nga xamantene dañoo sosu manam dañoo exister ci jamono ji nga xamantene dafa am ben dog dog digënté ñaar yonent kon ñom jëfé wuñu ci sharia yonent bi leen jitt woon ndax sharia bobu baaxatul doxatul té amul ben sharia bo xamantene ñewna ginnaw manam ñewna ndax ci benen sharia sharia yonent bi wara ñew fekkulen fi kon ñom ñoon ñoy ahlul fatra comme niñ ko waxe sank mu na top ne ñom nak ay façon dañoo wuté ci seeni jëf ak seeni pass pass solo li nga xamantene mom la yalla manam mom la yalla ci touromi manifesté wu ci seen xol yi lolu mo xam xam nañ ko mo xam ñom xamuñu ko mais lolu motax ñuy wuté li tax ñuy wuté ñom ci niñu doon am seen pass pass yi ñu doon am ak seen doxale yi doon doxale moy c'est comme moy ni solo li yalla di manifesté wo ci seen xol yi ci ak touram yi moy comme tuba bi rek nga xamantene déggnu l'islam xamuñu ko yoy ñoñu non wala bok buñ ko déggé ci télé bi lañ koy dégg té lu ñaaw rek liñ ci dégg ak yoy non ñoñ ñoko wa ahlul fatra ñoyam ñoñu ak wa ahlul fatra ñoyam motax ñoñu solo parfois da nga ci gis tuba bu jek jek rek xol bi dem ci njulité ci l'islam ak yoy moy yalla la da manifesté wu ak touram yi ci xolam ci lool nga gis ci ko xamantene mom l'islam da koy baña du ko sax jima gëstu parce que non la yalla manifesté wo ci ak touram yi ci xolam kenen ki nga xamantene mom bañu ko waye japp ko waye nak jëf yu bax yi da koy def day def yu bax bëgg na di def lu bax ye bay yenn yu bon yi tout ça and ak ne mom japp ci benn diiné am ño xamantene dañu japp ci diiné yi seen mam yi moy nek ci christianisme am ño xamantene dañu dem nek ci até ak yu rebe non manam solo di yalla manifesté wo ci seen xol yi ak touram yi mom yalla subhanahu wa ta'ala lool mom moy li nga xamantene mom lay am waye wa legui kon mu ne mo xam dañ koy yek mo xam dañ koy xam mo xam xamuñu ko ñoñu nak ay mu ne ay xaat lañ yu bari fi nak bu fekkante ne joom mo tuddu la fukki xaat ak ñaar yo xamantene ñom ñoy wa ahlul fatra gis nga manam kon gis nga déjà ni ñi duggé ci masala wi rek ci ngay comprendre né ñom liñu ci maîtriser bokku tak li gaay ci dess nit manam bokku sa gaay ci dess gis nga ñom gis nga mom bu dugg ci rek dafa wax né bo gisé ñom ñu wuté ay côté buul classé ñepp tek leen ben côté buul jël ñepp tek leen benen côté ay façon lañ ay catégorie lañ manam gis nga catégorie ni soko xamé ba paré nak nga déllu wat ci texte yi li alcorane di waxé ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam surtout hadith yi min doon waxé ci walu gogou non da ngay am une compréhension mais parfait da nga nan li rek moy lat moy tontu ba ngi ni han waaw legui mu ne parce que gis nga ibn arabiy bi nak radiyallahu anhu dafa bokkon ci borom xoxum yi nga xamantene jamono dafa woron fep comme ni imam az-zahabi rahimahullah def nako ci siru alam an-nubala def na tarjuma waaw niki nonu imam as-subki ak as-suyuti tamit rahmatullah alayhi def nañ ay tarjuma wax nañ ci mom ay tarjuma def nañ ci mom tarjuma manam biographie ak yu mel non wax nañ ci mom ay wax yu bari manam bokku na ci nga xamantene manam dañu wër aduna bi danaka manam fep fu l'islam mo so na nek jamono jo ñoom ji ñuy dund dem nañ fa jang ci borox xoxo yu magge fa nekkon motax du niveau bu ndaw bi ne ñu mag lañ ba pare mbolam borom xam xam yi depp won nañ ci jamono teni amul ben domaine xam xam loolu mo len ci rawon bañu dakante lo wax yi diir ki nga xam mo dundalat diine ji ginnaw loolu yep nak arifu billahi bu magla ñukoy bañ koy tudde cheikhul akbar soufi buñ waxe cheikhul akbar jaru ñuy tuddu tur serigne bi gën ba maga mag jaru ñuy tuddu tur ibnu arabi la xel yi di dem loolu moy dakantal ibnu arabi wa radiyallahu deng mune kon ben mune amna cieur legui premier catégorie bi mi ngi ni mune catégorie bu ndeuk bi mune ñom mune dafa wétal yalla selon li nga xamantene mom la yalla manifesté wo ci xolam au moment bi mu koy xalat mom buy xalat yalla wala moment bu muy réfléchir mom koku nak mom borom tektal la dalil la bo xamantene dafa jaxoso hein mam dafa jaxoso bo xamantene a cause de manam ni nga xamantene nonu lay khalaté comme kan comme qus ibnu sa'ida ak ñu melni ñom qus ibnu sa'ida nak ibnu amr ibnu abi ibnu malik al iyadi non la tuddu bu kenn la ci sage arabiy eh bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom wax yu rafet yi ci jamono manam ci jahiliya philosophie quoi voilà ak no manam discours beau discours moy ñi nga xamantene c'est les beaux parleurs les gens les sages voilà d'accord voilà mm-hmm. voilà donc amna ñu ne sax mom mo jëk jëfëndiko baatu am ma baax waaw né mom tamit mom mo ñëk taxaw di wax ak nit ñi ba paré té bant wala jaas manam pour wax rek ni nga xamantene même ci forme de communication bi ni nga xamantene non la ci doon innover waaw dëng dafa guddoon fa nak waaw fekk na jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam laata ñukoy yoni sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne dunduna hein manam kon téméru at ak juroom ben fuk wala téméru at ak ñet juroom yu ben at ala kulli hal ku guddu fa la won té mom par exemple mu ne ak ñu melni mom ndax mom doon na wax ci khutba mi manam ci waxtaan yim doon waxtaan luy tektale ne mom xelam dafa ñewoon ba pare doon na xalaat doon na wëtal yalla ndax da daan tuddu li nga xamne mom moy mindeef yalla yi ba pare di wax naan manam di wax naan yalla daal mo len créé xolal yalla ni mu dox bindé nangam et cetera di ci yewu di wala lool kon koku mo ne lool mom motax dañ koy dékkal yowmal qiyamah mu nek aw xéet mom kessé ndax lan ben catégorie la voilà ni taxaw ni waaw ndax koku lan ndax topul nekul ko xamne dafa top kenn ci jëf yi sharia yi ab ben yonent ci yonent yi topul ben yonent lool mom motax tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax comme par exemple ci zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu anhu moy papay ki la papay sa'id ibn zayd radiyallahu anhu kenn ci fukk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni moy al mubashirun bil janna fukk yoy non kenn ci ñoon voilà sa'id ibn zayd radiyallahu anhu kenn la ci moy papam nak zayd ibn amr ibn nufayl nga xamne manam mbok en tout cas ci même famille sayyidna omar lañ bokon da délan mom tamit yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax na ne innahu yuhsharu ummatan wahida mom yeen mom dañ ko dekkal yowmal qiyamati mu nek ben xet kesse wa hadith bobu mi ngi ci mustadrako ala sahihayn bu imam al hakim rahimahullah ha ci deuxième catégorie bi dëgg ci même catégorie bi la catégorie kon ñaan ñi nga tuddu ci même catégorie bi lañ bok parce que ñom dañoo wétalon yalla selon sen xel dañu dawal sen xel réfléchir xamné ah li kat mais amna lèr gu leen duggalé en même temps and ak né dañ doon réfléchir ci loolu non ni ah li dal mënul nek nén yalla dal lañ wara jaamu mom kessé mais sauf que top ñu ben yénal top ñu c'est bon sens wax na ne que aduna bi li fi nek yeb amna ko ko créer voilà et que ñi dañu wara top yalla ak yoon voilà mais top ñu ben yénent mais nak doonu ñoo doon nañ xol dal lo xamne dal baxul dal ñoom dal nañ ko moytandiko voilà ak yu mel non ñinga motax doon nañ mom sax par exemple dal na djublu ci qibla ci jahiliya ba pare doon na wax nan ilahi ilahi ibrahima wa dini dinu ibrahima dal na wax nan sama yalla moy yalla ibrahima bimay jamm sama dine moy dine ibrahima alayhi ala nabina wa abdul salam te dal na su djot tamit lol motax te wax nañu ne manam comme li yentibi sallalahu alayhi wasallam wax ne mom da lan ayyubal quraish da len dan wax nan waruñu wona rendi seenu yalla yi ñu len di rendel dedet yalla rek lañu warona rendi parce que da non wax ne gatt gi ni manam xarmi masalan yalla moko bind te mom mo wacce asaman ci ndox mo wacce ndox bu tukke ci asaman mom mo saxal gantax gi nek ci souf ci après nak yeen ngeen koy ray ci tour benen tour bu bokut ak touru yalla lolou jaadul lol bon sens da koy dakh mom lol la dan wax da ko don fustiger quoi voilà da ko don fustiger te kon lol mom mo lay wone kon mom hein il était vraiment doué d'intelligence quoi da don khalat voilà mom sax tassé won ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam lata wahyu bi tamit di ñew comme koku par exemple moy premier groupe bi moy ñoñu sen réflexion lañ don andal ils étaient doués de raison ba paré di réfléchir ñoñu mu né groupe bobu ñom da nañ leen dékkal kenn ko ci nek yow nga nek ben xet yow kessé ndax topo kenn topu la mais yenen da ngay nek xet yow kessé ñoñu non dañuy dem aljana deng am groupe bo xamantene ñom dañu wétal yalla kon ñaarël groupe bi ci lañu dugg ci lèr go xamantene daf yalla moko mom daf nit ki da koy dacc ci xolam munu ko jagn té nekul ko xamne dafa réfléchir mom du par réflexion la amé lèr gogo lèr gi dafa wacc rek ci xolam deng mom xolul sax ci tektal buy wone ni li mom moy dañu wara wétal yalla ndax nangam ak nangam lolu mom amuko lèr gi rek la yalla wacc ci xol bi mom sax bu bëggono jagn lèr gogo du ko man kokku mom dañ nan fofu ala nuru min rabbi kokku mi ngi ci kaw lèr bu tukki ci borom subhanahu wa ta'ala bo xamantene dafa sel jaxassoul ak dara kurel gogou nak ñom dañ leen di dekkal yowmal qiyamati manam ñu nek ño xamantene comme ñi soufi di wax akhfiya abriya manam moy ño xamantene yalla mo leen sutural ci seen bop manam mo leen neub wolif minde fi ñoñu lañ wax akhfiya wi ci soufi nitu yalla bo xamantene yalla da ko neub nit ñi xamuñu ko mais borom secret bu mak la ñoon yalla ci ñoñu la koy boole yowul qiyamati waaw nga xamantene ay nit lañ ño xamne ñom buñu téwé nit ñi duñ leen xam té buñu fado nit ñi duñ leen laté parce que gisunu ci ñom lutax ñu am particularité wala importance ci biir nit ñi lañu bokk mais ci biir nit ñi lañu nekk ay nitu yalla lañ yalla amna nitu yalla yu mel non ño xamantene buñu togué ci mbolo kenn du len kenn du len jox importance kenn considérer voilà parce que gisunu ci ñom benn particularité bu wara tax ñu jox len importance mais buñu fado itam kenn du fi nekk di yitté aussi ni bir wa ñoñu non groupe bi ni nga xamantene ñom dañu wétalon yalla ci seen xol ci lèr gu yalla wacc ci seen xol ci jamono joju nga xamantene ñom dañu wétal yalla tawhid bu sell lañ am jaxsuul ak dara té lolu am xel yobuulen ci am xalat yobuulen ci raisonnement yobuulen ci té mënu ñu raisonner sax ba wone contraire bi pour ñom c'est naturel nit xamné yalla mom mo war am dañ ko wara jaamu mom rek ko wét ak yu mel non ñoñu ci groupe bobu la leen yalla lay dékkal yowul xéwat dégg kon bobu moy benen groupe gis nga téxantal bi ni mu ko hein voilà parce que koku en fait mok ki nga xamantene mom la lool la ko yalla defal fi ci bir julliñ ni benn lañ koku ñoo danaka ñoo be ñoyam légui mais sauf que ki dafa fekke yenen ci saxam ke fekke wuko légui xolal keneen ki mune am kurel kon muy ñettel nañ tuddu nañ li ñettel mune groupe bo xamantene ñom mom dañu wacce leer ci xolam mu am kashfu bu ko yalla may ci jamono jojo la bok mais yalla daf ko wunnil kashfu devoalen ko maqama bu kawé wacc way bu mak bi sayyiduna muhammad am sallallahu alaihi wasallam mu xam ko mu dal koy gem ci monde ci alamul ghaibi mu dal koy gemé non ndax yalla daf ko defal fat ko dako dafa ubul ko kashfu mu gis ko ci saaf xamné amna waaju ñuy wax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom moy sangu minde fi mom lañu wara top nga xamantene mom legui day jakarlo mbir mi xam ko ci xam gu leer lo xamne ci borom mom la joge subhanahu wa ta'ala koku yawmal qiyamati dañ ko dekkal ci ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom lañu wax dana'inul khalq manam moy ñi nga xamne ñom ñoy ñu particulier ñi yalla tanal seen bopam ta particulier may leen particularité ndax la ba pare da yalla daf leen di dekkal ci ñu bok ci ñi nga xamantene ci batimi yef sayyiduna muhammad lañu bok sallallahu alayhi wasallam wa ndax la ndax xam gi mu xamne yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yoni te daf ko yoni ci batim liko dalay ci mam adama ba karam ni wolbu fi en réalité lolou mo xew sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam en réalité mom lañu yoni liko dalé ci mam adam ba kérok ñu wol buftu mom moy yenente bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam mbolam yenente yalla musa sall do ñew remplacer ko motax sharia yi nga fi gis yépp ay sharia am lañ sharia yi fi gis yépp ay sharia am lañ sauf que nak dafa am manam mom bi mu ñew manam étape bi selon yenente bu ñew day am lu mu abroger am lu mu fi tek hatta mom motax mom ci bopam bi mu ñewé dafa am lu doon abroger mais tay ab yenente bu mu fi fek da ngay nek wëlbuti ku nekku talibum sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou amana dinañ ci gëna ñew ci benen munasaba manam ci benen wax wu jotay bu ko bu mu gëna bu mu ko gëna laaje wa dal ci gattal dal lolou la kon koku mom moy benen groupe bi mu am kurel go xamantene ñaata groupe lañ wax pour l'instant on a dit 3 ñatt wa ñentel bi moy groupe bo xamantene dafa top yoru deug wa daf ko topo won ci ñi nga xamne ñoom ñoko jittoon comme par exemple ko xamne dafa demon nek ab yahoud wala mu nek ab nasaran wala mu top yoonu mom ibrahim alayhi salam wala bok ku meuna doon ci yenente yalla yi mustafa sallam bi mu xame hein ne ñoom ay yenente yalla lañ te dañuy wote jëme ci yalla mu top len waaw ba pare tam dañuy wote waye nak dañ leen yooni won ci ab kurel bo xamantene bu particulier lañ ñom momu top leen ba paré mu gëm leen ba paré top seen yoon seen sunna ba paré haramal ci kaw bopam li ñoña di haramal ci seen bop manam lepp lu yenente bobu di haramal rek mom mu haramal ko ci bopam ba paré di jaamo yalla li nga xamantene mom mo sharia yenente bobu donc nekul lo xamantene lu war la ci mom ndax yoonu wuñ ko ci mom wa koku nak dañ koy dekkal yawmal qiyamati andak ñoña mu topon andak ñoña mu topon ci jamono jojja kon muy ñaata muy ñent mu am benen groupe bo xamantene mo ñom yeur nañu téré yenente yi manam ñom nekk ñu rek tok rek daal na ñun de ñi de amna yenente bu ñu yoni won fi ñom ñuy gaay neena ñu yoot ki nangam ñu top yenente yalla Musa ñu top ko wala nasaran lañ wala yu defé non dedet ñom dañoo dem xol ji téré yenente yi ñi indi yi ñu wala yoyep ñu wote ki téré yi yi wala ay tawrat ak injil yoyep ñukoy lire bo para biñ koy lire nak ñu gissala ci teranga gu mag gi nga xamne mom la sayyiduna muhammad am sallallahu alayhi wasallam ñom ñu reconnaître dinem ba para xamne ba ma ñu xam dinem ba para xam yool gu mag gi nek ci top sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sa yo xamantene feñal na manam mom feñal na ak yenentam ba pare kep ko xamantene manam ku ko gëm ba pare deggal ko li nga xamne mom la yalla ba pare deggal ko gëm ko top ko ba pare top li nga xamantene mom la indi ci tedda ngay jikko ci jikko yu rafet kon kep ko xam mom mom mu daali xam lola daali koy gëm daali deggal ko mais comme amul sharia ñewugul yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ñewul ba pare yoni wuñ ko mom limi def rek moy day set jikko yu rafet yi rek mu diko def mais daal topul ben yenent nak parce que comme mom amul xam nga parce que waruko amul ben yenent bu ko war parce que yalla kumu yoni wul ci yow amulo manam ak top ko du war ci yow motax manam mom dal da nan ah man dal gis na ni yenent yep ki ci gëna tedd moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam tire yi lolou lañ wax man nak gëm na sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bis bu feñe da na ko top waye nak comme que instant bi top moko nimay def instant bi fi ñewugul nimay def moy na xol jikko yu rafet yi jëf yu bax yi ma diko def and ak gëm sama xol ne sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sa yu ñewé da na ko top koku yowmal qiyamah dañ koy dékkal and ak julit ñi nak moy ñi gëm sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ding way kenn duko dé way nak duñ ko dékkal ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi doon jëfé mo xam top na mo xam wajoju top na benen sharia ci ñuko jitu won wala top leen waye dal mom dal dañ lañ ko dekkal dal en tant que ku gëm rek am benen kurel mo ko ñaata lañ wax jurom jurom am benen kurel kon bi moy juroom benel bo xamantene mom gëm na ab yenen to bo xamantene fekke nako fekke wu ko mais wax nañ ko ay mbirum manam bo xamantene comme par exemple ku ñew makka fekk diine imam ibrahim mu gëm ko alayhi salam wala mu gis téré ki chrétien wala juif mu gëm leen top yenen to boba mom manam mu gëm ko ka waya wala bok wa mu gëm ab dal ab yenen to bu mu topone bi mu ko topé ba paré sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam ñew nak ñu yoniko nak fa mo ko gën mu féké ko koku mu daal top diiné sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam gëm ko koku dana am ñaari fay koku mom ñaari fay lay am té moy lan koku ñaari fay lay am té moy fayu top sayyiduna muhammad mo top fayu gëm yenen tam bu jëk ba top ko ak fay gëm gi mu gëm sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niko alquran waxe ñi ñu tuddu yeb groupe bi yi groupe yu ñëk yi yeb inshallah taala ñuy taxé lañu do ma sha Allah hein ñi ñëk ñepp nak dañu waaw ñom dañuy taxé légui ñu mu am benen groupe manam groupe bo xamantene mom dafa gaday dafa bayyi saxalul amuk yalla waye li tax moy dafa réfléchir bu bax hein wa manam réflexion bi mom mo baxul en fait wa poussé wuko mais nak li tax moy dafa fekk ne mom ci bopom manam ak réflexion mo jaxé manam mom ci bopom intelligence mo magul xam nga tay beurina fi mais hatta legui dang koy do da koy gis ño xamantene da ni gëm yalla diko ki yeb mais seen réflexion poussé wul voilà wala li ñi xalat da fay limiter day limiter waaw comme leg ngay deggi kay laaj la laaj bo xamantene dalay leer ni ci manam da fa limiter réflexion am ci lu ndaw ci parti bu ndaw na ono leg leg comme tay yagul dar amna ko wodor waxtanal xawu mu laaj ma affaire bu mel nonu ci kawnu bi wala daf mu non lan moy wone yalla amul jëm ndax kat lu amul jëm mom ñun xamuñu ko wala yoy non manuko sa parce que da nga limiter yow sa réflexion ci affaire yu simple yi ni mais bo pousser won sa réflexion di nga xamne yalla muñu am jëm dafa muñta ne en fait parce que fekk ñu doon waxtaan man nan ko wax abi di day comme ñom gaay effect dañu gëm ne yalla manam yalla ak amu jëmum comme li ñom ben bass di wax ben bass ci fataw te lool degg na ko ibnu usaymin wax ko te dako toxale ci muhammad ibnu abdul wahhab neena semaine bi mom yang ci gaay non du semaine non non na fa jek gaay mom tay mom gis na ne ka dañ leen ki ko ben bass ben bass ci sa mbokk yi la bu ko def ah ci sa mbokk yi la bu wax sa gaay mom moy mo nekkon mufti arabie saoudite jamono yu ñeek yi manam ba ay 2000 côté yu li genn ak ci moy la mufti moy ki nga xamne moy ubbe nit ñi manam moy nit ñi buñu amé laaj buñu amé question ci seen diiné lu leen jaaxal mom lañ koy laaj wa legi mom mo fa nekkon nak fele ci arabie saoudite wa mo doon chef ba kilifa gu maggi fofu mom la won mu ne yalla ku ne amul jëm day nek yefir parce que amul dara luy wan ke ndax yalla waxuko yow nga nan yalla amul jëm yelowul ñu dakk ne yalla amul jëm manam nekul ci yoon ibnu usaymin deg na ko mu ko wax mu nan muhammad ibn abdullah dañu yalla mom amul fenn fu ne amul jëm bu kenn wax ne yalla amul jëm en fait parce que xam nga bo limiter mbir mi ne lepp lu amul jëm manam ci ñun luñu xam lo xamantene day and ak xel and ak di dox di dem ko dik manam dafa and ak xel bok di gis di deg di wax am kaddu ak yoy fokk day am jëm ñom non lañ analyser mbir mi xam nga lool moy xam nga analyse bi dafa gatt motax mais bo analyser won bo xolé ne nañ xol benen côté bi premièrement yalla mom waxal na bopam ne mom lay sa kamit li xey yi yalla mom dara dara dara melu ni mom kon déjà ñun bobu bi waxé ay bobu ci la daggé lepp lo xamné dana warna tax ñun ñu diko considérer comme lu ñu considérer suñu mbinde fi ñun fi ni lolu ben affaire la mais ñu jël walum xel kessé parce que comme ñom ci xel rek lañuy réfléchir ñu té sérum xel degeuru nañ ñew ak ñom manam ci xel légui nañ leen wax ben affaire kessé yalla qadim la wala du qadim est ce que yalla amam amna tambali wala amul fu mu tambalé buñ né yalla ak amam amna fu mu tambalé ñu ne leen yeen ay yéfer ngeen dem leen togi bu fekkante ne amna yalla amul fu mu tambalé ta manam ak existence am amul fu mu tambalé té lolu julit ñepp ci d'accord bo wa ben question mom moy am su fekkante ne amna yaram la budda moy lu mënta ñak lepp lo xamantene dafa am jëm moy day am décomposé parce que mëno imaginer lu am jëm té du composé hatta atom dafa composé wu hein bu fekkante ne dafa am jëm moy dafa composé wu mom moy lo yoy nonu composé wu il faut que ñu dajalo pour mu formé wu mom nek limu doon té lolu nonu limi tektelé pour moy kon amna temps bu jall té mom amagul won comme que nak xam nañ ni amul ben temps bu jall té mom yalla amul won manam naka jek dafa mësu di am kon woowa ci lañu xamé ni amul jëm manam non ngay def li rek manam réflexion day pousser ñaaral hein ñaaral mo moy lepp lu am jëm mu day am place bu mu ne mënuñu imaginer ben mbir mu am jëm sans imaginer walé en même temps que ni amna espace bu mu occuper volume bu mu occuper lolu mën ta né deug lolu deug bis bo né ma amna kayé bi existé na rek sama xel mënul and mënul taxawal kayé sans mu taxawal en même temps volume bu muy occuper ci espace bi tayé d'accord yalla nak bus bo né waxé ni dafa am jëm limi tékki moy dafa am kon espace bu mu occuper té espace bobu mu occuper kon mom mo ko fi wara jitu parce que mënon ni espace bi ok manam pour mo occuper espace bi il fallait que espace bi nefi avant mom mu fi ne la ok kon ci kaw lolu ci lañu xamé ni ñom seen wax yoy waxu chaaxal la wax la jo xamantene waxu mujassimay la ñi nga xamné ñom ay xërum lañu jamm kep ku japp ne yalla dafa am jëm mi ngi tok ci kaw jël tankam yi tek ko ci chaise Même le fait de même d'avoir ce genre de réflexion là, C'est-à-dire, c'est un débat très important. Mais quand je dis c'est un faux débat, ça veut dire que la question n'a même pas lieu d'être. Voilà. Voilà, je veux dire. Ok. Wow. En tout cas, mais, madame, pour, madame, mais nous, comme si on avait la gâte. Moi, c'est ce que Al-Ghazali dit. Radiallahu. Ou les gens qui ont dit, borom xam xam yi rahmatullah ñom Ibn Arabi, ñom Izzuddin Ibn Abdussalam, rahmatullah al-jami'. Ñom loolu lañ dox. Buñu né indi leen wala borom xam xam yi d'accord ci ben affaire buñu né man bo dé man dé tay dama doon dox ci mbéd mi tassena kenn ci ñi nga xamné seen xel dafa déssé nit ñi lañu xalaat mu jossi moy wahabi bi ak ñu melni ñoom ci xalé loolu lañu xalaat ñen ñi amna ci borom xam rahmatullah ñu né dédut chiite la waye ala kulli hal gënul groupe bobu amna nak ño xam dana ñu ndaw ndawal ñu né xawaariji la waye ñoom it ben lañu rek dëgg fa sama wahabi day xawari day doon en même temps voilà manam pour wax la né la manam am xel dang koy réflexion bi dang koy pousser voilà amna ñu mel nonu amna ño xamantene dañu amul réflexion bu pousser motax manam dañu dul mëna xala bu pousser ñom bu dañuy limiter wu trop ci li ñi gis rek en face ni xam nga yéfer bi né la yalla amul nga ni ko lutax mu né la parce que sama papa déna su yalla amone sama papa du de ndax mbir mom dafa met manam xam nga kokku moy mom du xala xam nga kokku wala gis na xale bu ndaw febar ba de te deful dara kon nak yalla amul ndax su yalla amone xale bobu du sonu ba de au lieu mom mu xol benen côté xamni yalla kay mom mi atana def lu bax mom mo atana def lu ko neex wa kay lol day wone ni yalla dafa amna mo na te lol day tek est ce que ñom réfléchir wuñu benen ko def lan motax waxu ñu ne est ce que li day tek kon de li mu meuna def ku deful dara xale bu juddu tay mu meun ko souffrir lo ba mu de yalla mi atana def lol atana fek mak mo xamantene dako yagaton ci kaw souf mu japp ko duma ko duggal bir sa wax lu sa xalaté wuñ non tay sen xalaat dafa limité voilà ci benn fé rek ñu bëgg jël né yalla amul voilà ko paré na waji né won imagine le xalé bo xamné ni safara dafa téggul né wa mu yaram ni ci dugg wa dem bu dugg ci wala mu tek ci loxom gañ wa mu yalla amul lool do lool do wa koku xam ko koku manam mom moy xalaatam dafa soriwul koko xalaatam soriwul mom da limité lool lool lool ay xalaatam mom mom bébé bi moko mom waaw hein te jammam la mais bu nekk li la nam ci mom da koy def waaw kay jeex lutax do xalaaté lool voilà waay seigneur moy sama bour moy sama borom mom da wara jam bu nam bu namé dara ci man mais lool daf may ki waaw mu mo ci dara voilà wax deug yalla lool moy lu ko neex lay def waaw lu ko neex moy am lu ko neexu do am ala kulli hal manam voilà manam kon fi limi wax manam kon moy amna ño xamne sen réflexion da poussé wul ci jamono joju buñ dundé jamono joju ñooñu problème bi lañuy am manam moy dañuy mëna manam tém ñu dakk lepp luy diiné lepp lo xamne dafa nekk ci gëm yalla dañ koy dakk waye fekk la ko waral moy senum réflexion ci bopum mo avancé wul mo poussé wul kon koku benen groupe la mu ne koku nak da ngay xamne koku ci ciobare yalla lay ne en fait parce que mom da amul xel mu sori motax koku koku ci ciobare yalla lay ne bu ko nexe mu dumako parce que mom amon na parce que xel mu ñaw du mom lañuy laaj nit pour mu meuna nek mu kalaf pour ñu mën ko togu jëf mu nek majeur parce que nit du def dara ba pare hein ñu ñew dar ko punir mu nan sa parce que man je suis pas réfléchi xam nga rek man dama kaw kaw la sama xel neexul lool xam nga kenn du ko d'accord voilà par exemple wa ko xamantene dafa jël dafa ne médecin lay doon nekk médecin wa fara lay doom jangori wa fara nan c'est que dama déssé wona man biru mom dafa bayyi lepp lo xamantena diina la dafa wedd yalla mais teggu ko ci mu xalat xam nga ku ñëk ke tegg nako ci mu xalat sauf que xalat ñu mu poussé wul mais ki dako teggul ci xalat waye da ko tegg rek ci li lañ fekk suñu mami diko def wala li la gis monsieur diw diko def sama xarit yi la doon andal gis na len ñuy def ni li lañ japp man lool la japp wala comme li xewul yegi ni conscience populaire bobu nga xamne manam lu nit ñi wax rek yow nga nan on est au 21e siècle li moy xew yow do xol bo xam baxna wala bonna on est au 21e siècle on est en 2012 rek ngay lay lool du lay civisme aveugle bi ko waaw lool xam nga du lay nangam baxna ak nangam bonna dañuy xam baxam bax fan lañuy xame baxna wala bonna da ngay xol wa kay da ngay xol nan lañuy mëna régler yi nga xamné mom lañuy xaméwé lu bax ak lu bon ngay top lu bax bayyi lu bon mais kenn duko xaméwé ci ay on est en 2012 ay il faut être moderne lool kenn duko xaméwé lu bax ak lu bon yalla xam nga li yéme moy lay nga gis non mais c'est vrai li lay wone lay nga gis vraiment ñu amul xel ño xamné vraiment amuñu xel ak luñu mëna don manam da nga len di gis ñu am ben affaire bo xamantene lu simple la question bu simple au lieu ñu résoudre ko par est ce que baxna wala bonna par exemple tay ko ne ci do balé amna ño xamne bo len né do balé xam nga lan lañ lay tégal avec le développement scientifique et technique manam waxuma développement scientifique et technique ana la ban rapport la am ak def lu bax ak bayilu bon waxuma amuñu rapport xam mais seenum xel ñurul bar di tal yalla ñu yalla sax am na ñu xamne non mais c'est vrai bo len waxe yi bon yi doko def ñom dañuy jaxlé avec le développement technologique mais ban rapport la c'est deux choses bien distinctes non dañu amul sax manam dañu amul fuñuy lalanté ñom ñaar entre sama jikko rafetta ak sama jikko ñawla lolou ben affaire la ak man amna télé amna xaliss ak damay amuñu ben rapport amna xaliss ak amna jikko ju bax ak wala ju bon amuñu rapport du tout lalé wuñu demuñu dara waye lay la ngi gis ñoo xamné ni ñi réfléchir baaxul mën na défar frigo mën na défar auto mën na défar radio mën na défar mën na tabax ab kër ba mu bax ak sama jikko bax nak bon na lolou ba rapport la ñu c'est comme ni dañuy jël l'évolution de la société voilà bëgg ci calquer atté yi def ci diné en fait alors que c'est deux choses qui n'ont rien à voir voilà. La religion musulmane hein et les lois islamiques sont immuables moy lo xamné ni fi lay nek OK mom moy base bi voilà société bi muy évoluer c'est société bi moy moy tourner top voilà top mais du société bi voilà. Voilà surtout que boudé évolution bobu yow dang ko aj rek ci manam développement économique xawma lan technologique comme manam moy genre ñooñu mune attention ki mom day ki mom ku texé di lay rom ci luñ doyal du am mom du am lay ki nga xamantene dafa fekke jamono jojo on patar ba para di xalaté non nan wa dëkk bi yëpp li lañuy def man loolu lay def ñi ñëpp ci li la nekk man li lay nekk koku mom day texé di day dem safara parce que lutax parce que koku en fait utiliser wul ben yoon xélam même bu ak lu mëna doon day dem safara koku ben groupe la deng mu am benen groupe moy manam moy 8e han manam mu ne muy groupe bo xamne dafa xol dafa bokale yalla waye ci reflection bo xamne daf ca djoumé yoonu deug ginnaw nak andak ne mom fexena fexi réfléchir na bu baax analyser na analyse poussé waye dal andak lool dal dafa djoum di bokale yalla nek ci kéfir manam du yéfer bi nga xamne dafa wedd yalla mais dafa bokale yalla andak ne def na limu meunon ci réfléchir mais dal dafa djoum koku nak tamit ci ronu ciobare yalla lay nek bu nexe yalla mu bal ko fu ko nexe mu yobbu ko aljana mu def voilà malgré voilà il a fait tous les efforts nécessaires il est quand même dans l'erreur voilà koku mom ci ciobare yalla lay nek koku tamit mu am benen groupe bo xamantene mom dafa han bokale yalla te teguko nekul won di réfléchir di analyser ak yoy mais bokale na yalla tamit xam nga kele ñiñ doon wax fa la ñu jëk ñi amna ñuñ tuddu sank ñoom dañoo bayyi lepp luy diini lepp luy pratique religieuse dañ ko bax alors que ñi ñi ngi pratiquer mais sauf que dañuy bokale yalla en même temps ñaar ñu muju ñi ding mu ne te fek réfléchir ko mom réfléchirul dara xolul deful dara koku tamit day texedi koku tam day texedi mokale yam ki réfléchirul won feul avant taqlid ki taqlid rek mais ki mom mo xam dafa taqlid wala taqlidul au moment où mom réfléchirul xotulul ak réflexion mom lay dem safara mom tamit mu am benen groupe bo xamantene ginnaw ba mu saxale ci ak réflexion limu man ci doole lepp def nako après mu baye diine ji manam mom tok na réfléchir né xaaral dana nek ci sama coin tok réfléchir bu baax ci lan mo xew lan la yalla def lan mo ki ndax yalla amna wala yalla mom dañ koy wara jamm mom kesse wala yoy def na tout ce qu'il peut pour réfléchir and ak lool yep mu dal di finir par wone ni nature bi dal mo fi def bopam mom lool la xelam yobbu na koko tamit ci ronu ciobare yalla lay ne bu ko ya bu nexe yalla mu duma ko bu ko nexe mu bal ko mu am benen groupe moy ko xamantene ginnaw ba mu réfléchir yi ginnaw manam mom ginnaw ba mu saxale saxal na mu waaw manam saxal na yalla mais ci réflexion bu poussé tok na réfléchir analyser ba gis na yalla amna ba gis na dañ ko wara jamm mom kessé ba gis na waruñu ko bokal ak dara waye ginnaw lolou yépp mu daali bayyi diini ji waaw mo xam nak daf ko bayyi ndax dafa continuer di réfléchir encore di pousser ay analyses ba fa sanku wala dafa taklit manam da top nek ci suivisme rek lu nit ñi def rek ñun ni lañuy gisé mbir mi ñun dal li lañ gis suñu dekk suñu mami dal li lañ fi bawon ñun dal suñu kilifa yi ñu fi xam fi ci rew mi ni lañuy doxale yoy nonu mom la top ba sanku kok tam non la kok tam day dem safara kok kuy taxé di lay doon muna nak ginnaw lo li bo foko kul li almin alim ginnaw manam nek na ci kaw bi borom xofam ko ko gëna xam muna nak na nga setantal li ndax li ak set manam imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu na nga xam li lu am njariñ la manam lu ki la ki bu reuy la analyse la setantal bu mag la muna nak mu jexale ko ci wallahu ta'ala alam yalla rek nak mom moy xam mom moy xam manam bo xole ki bi manam mas'ala bi dañu bëggoon indi ko particulièrement pour manam masala bi manam ngir mu leer te gisunu fenn fu mu leer fu lu fi masala bi lim ko borom xam xam yi geustu yep liñ koy xootal yep liñ koy analyser yep liñ ci wax ci rawatina usuliyune ak ñi nga xam ni ñoy jang affaire aqida yep ñom dañuy dug masala bi daf leen intéresser bu baax masala bi ni dañ koy ki mais bo leen xolé da ngay gis ni ñom amul kenn ku ci set def tekantal bu rafet bi dafa complexe motax parce que dafa laaj ay tekantal mais tek li mom boko degge rek da ngay xam li rek ni moy tontu bi deug ay way hein gis nga bokuy degge rek dootum sikki saka ci ne li moy tontu deug bi ci masala bi ci ngay xamé ni a'udhu billahi c'est à dire au final 11 catégories yum def ci affaire voilà non moy ci bi ñom la ni ko gis nak ci wa ahlu fitra fatra wa ahlu fatra ni dugg ci 11 catégories voilà ni ci dugg hatta yefir yi nga xamni ño nek par exemple ci yenn coin occident yi nga xamantene xamuñu l'islam wala buñ ko xamé dégg giñ ko dégg gi lérut dégg giñ dégg l'islam lérut parce que niñ ko déggé moy amna ben way bu tuddu muhammad bo xamantene hein sallallahu alayhi wasallam nenañ am arab la won dal mum dal neena daf yenen lay waye dal mum chaxan kat la da lan xex mum ray nit rek lay wax et cetera bar bar la manam mum digge bar bu mel non rek la xamé l'islam xamé wuko lenen te jull ni jogu ñu wax ko l'islam est ce que xam ngeen ni bëpp yéfir bu dundalok ñun yalla dinañu taxawal yowmal qiyamati laaj ñu lan mo tax nek ñu won ay jullit suñu dekkando biñu dekkal fi ci même étage bi yalla dinañu laaj yowmal qiyamata lan mo tax nekul won julit yalla nañ ko ah waaw premier rôle bu julit bu xam limu wara ni muy bu xam ni ni ragana lo tax jang akhira nek lu point bu essentiel moy première chose biñu jang tawhid ak li ci aj ak li ko wor yalla dina la lat lan motax sa xar bi nga xamantene yeena dan andu su bagon gude beut mu lay sék ci nga koy séti ab yéfer lan motax yow nek mom nek lu jull sa responsabilité ci lool waw du bu nek yéfer du yow rek mais am nga ci responsabilité waw ni par responsabilité mo sa ba lool reñ de ah mais deug la wala du deug parce que yenenti yi alayhi salam loolu tax mais xolal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi radhiyallahu ak ñoom niñu leen sonala wa parce que tout simplement lan lañ leen do reprocher ken reprocher wonu parce que liñu wax du deug de kër reproché wu len parce que dañu manam dañu mal souliss kër reproché wu len parce que dañu participer ci société bi ci activement ci économie bi liñ leen doon reproché moy baatu biñi wax nit ñi ne len nañu jaamu yalla kéké lool lañ leen doon reproché mom lañ leen doon sonal yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ay radhiyallahu anhum embargo nañ leen 3 ans ba wa banu mutallib ñoo bokkon ci banu hashim ak banu hashim bo la ci ak banu mutallib ñoom ñu embargo leen embargo bo xamantene 3 ans la nga xamantene mu jigi li lañ doon lek ya deru gellem bi yu feunexi mom lañ daan jël rek dañu fekk gellem bu dée bo feunexi der bi nonu nga yaxé ak der rek ñu fexé luñ koy baxalé pour mëna am luñu lek wala xobu garab bi na 3 ans parce que dafa metti won ñe et cetera ñu neñ ñu ñu mais yenen ti ñu doon bo liral alcorane liral alcorane nga xol ku wax taxaw di wote jëme ci yalla lan lañ lay def bu fekkante ne yow da nga nan no du wax kenn yef yalla parce que yef yalla mom boko waxe nit ñi dañ lay jappé nang heure legui kay tamé na legui boy wax waxu yalla kenn du la def dara mën nañ la rek khas mo ñu wax la wax ju ñaaw wala yu neñu mais avant c'était pire mais avant dañ leen doon dumu wax ah oui ba nga xamné waaji du julit té mom la wax la tétou wa lay jël ko ki dag baat bi tek fe waaji lolou wax gali bi lolou la wax gaay rek tétou mais yalla dina la la eh le pourquoi hein ce deug ndo bi nasaran be wala yif bi nek won julit Oustaz Barham, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. C'est vrai. Il peut, quand nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Voilà, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Il y a un jeune homme américain qui est venu. Nous sommes tous les deux. Depuis quand ngeen nek ay julit ñene ko ah depuis toujours nous on est des musulmans ci lañ juddo nangam mu ne est-ce que daw ge heure bi ni fekkon na ngeen xam yeen man lima xam ba nek julit ñene ko ah xam nañ ko kay mune nak kon xam len ben affaire mune len l'islam ak coca cola lan mo upp valeur l'islam ak coca cola ban mo upp valeur xana l'islam mune te ñun américain fexé nañ bu publicité coca cola bu fepp lañ koy jëfëndiko légui yeen mëno len fexé ba publicité l'islam sama mam bi de daw gi yalla dina len laj lan motax ni kulon julit parce que bu xamone man lima xam tay dana de buy de day nek julit yalla d'accord lolou amul l'islam de ay no xam nga diine nak mom lolou dund ci sa coin rek la lolou yalla d'accord ci de bañ nako ba lepp lu mu wax ne lolou lañuy def waxal ak nit ñi lay wax xolal alquran limi wax nañ lire alquran ngeen delu wat ci hadisi ku gis ci yeen lu bon nan la koy def nan lay def da koy dindi ak loxom bu ko munul mu def lan ak lambi nak premier rule lool la nit ni nonu sharia lepp manam bo xolal alquran limi waxe rek wolu nit ñi ngeen jëmele leen ci diine ci yoy yep loolu lañ wax muñ leen li leen ci fekk ngeen defé na jihad ba dem xexé ji dooranti ay jaasi ñu door la nga door mu dée mba nga dée ngeen defé na loolu dana am su fekkonté né digné lu baax téral lu bon doom c'est comme légui digné lu baax ak téral lu bon rek dañuy ba fiim tollu lan moy problème bi ñu do wax sax les années 70 là avant avant waxuma do tambalou avant lan motax problème yi nga gis ci société yi am te du suñ société kessé lan motax xam nga fan la problème bi djogion moy c'est parce que diglé lu bax ak téral bo mo wañi ko ké xol kéme bo kéme Sénégal d'une manière générale xolal la fa xew bi affaire yi gaay di commencer au moins di dugat ci diiné ji ndank ndank moy moment bi nga xamantene mom la ibadu yi commencer nek di def ay conférence di wax ci diiné jégué lool la sinon diglé lu bax ak téral bo c'est comme si amul won dano ko gisati amo ko deg sax ay jigen ni da ngay wara bour mais yi ngeen di def baxul mais boko dan wax mais dañu japp da nga dof sax mi ki dafa febar wala dafa dof wala il est hein est-ce qu'il réfléchit est-ce que hein est-ce que ça va là ici ki est-ce que bobu baxna lolou lañuy wax est-ce qu'il est sain d'esprit quoi voilà ah oui diglé lu bax mies bax ay joxante loxo goor ak jigen ñoy da haram non mais gars yoy boko da ngay xawa neubutu sax lan moko ron buñu demé ba ci société julinn ni mom la affaire bobu nek luy jaxalaté lan mo waral lolu yépp lan moko ron ben mbir rek ko waral ben mbir moy diglé lu bax ak téré lu mon lañ ba té wo nit ñi ñu jëw dugg ci l'islam koku obligation kenn ku ci nekk la obligation kenn ku ci nekk la li nga xamne mom lañu wara def moy ni gaay hey bu leen ñu fonto amul juif chrétien ñom dekkun ci diiné li ñekk baxul té lool moy deug li deug moy lool ñom ñepp li ñu nekk baxul ben diiné mo am ci yalla moy inna diina inda l'islam moy l'islam moy diiné ci yalla yeen lool lañu japp yeen xam mais yalla mom li la japp ni moy diiné ñaaral bi moy yi sharia yalla bi dafa leer nañ top sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa ragne ko nit ñi ci loolu lañu leen wara wo te loolu dafa ragne ko nit amul droit gis mbokk julitam mu nekk ci lo xamantene dafa ñaaw te du nako he li du ni amma su fekkentene nak tout temps même nit ki moko wax wala ñaar après muju gi xam nga lañu def dañu defé né wajoji ci yëmi bopam mom mo sof sa vrai mais mom tout temps mom moy casse alors que c'est le rôle de tout un chacun kenn ku ci nek loolu waron def ni ni dañu dégalé sen responsabilité ci les faits qui concernent les faits de la société voilà les faits yo xamné ni c'est des faits individuels voilà yo xamné ni sa responsable daf ci engagé ñu dëcc déchage ñu responsable les sociétés non la même si gisoo déggo ko de sa tête wa xala déggo li fa wax ak ñoom wax mune alaaj abdaziz radhiyallahu bu daan wax yeen mune gis ngeen bu la way goor gi limi wax dafa bari goor gi limi wax dafa way amul limi wax dafa reuy dafa bari wala ñaan xalé ya koy waxlo ah putay ni alaaj abdu nga nan xalé ya koy waxlo hein melni mom dekkul ci dekk bi di xam lay xew bo meuna wax taxaw ne hé li du ni li baxul li dañ ko wara baye li dafa dañ ko wara def nga nan way way mom limi wax dafa bari xalé yi ñokay goxlo rek hmm té lolou xam nga lan moko indi moy le fait que tout simplement fimu tollu gis nga boy wax yenn affaire di wax yenn yi né baxul nit ñi dañu jax yow dañ la nañu ap extrémiste nga dañ wax né yow extrémiste nga yow ko nit ko xamantene manam yow dupp wulo ak jamono nit ñi lolou lañ lay wax djulit ñi biñu bayé di won jéfiri ci l'islam bi xolal légui li xaw yéfiri dañu commencé japp né ñom ci luñu nekk nonu yéfir bo xal la japp nañ ci luñu nekk non la nga jaxalo mom yow waxoko dara déjà première chose da nga wara xam ci diiné deug la bo xamul nak mom bul wax bul dugg ci débat fekk xamo dara yow bo xamul xamal ni xamoo ngayam fofu nga dem jangi bo paré nga dogay wax parce que sino da ngay gëna tax koku mu gëna réconforté wu ci limu ne ci taxani mu ne képp ku xamul bu mu wax na nopi mo gën parce que peut-être ki ngay wax argument bu nekk yow xamul da lay la surtout bu fa ay nit nekké ndax xam nga lutax ndax day yow da ngay daldi wëlbeuti deug def ko tiaxan jël tiaxan def ko deug té yow yaay machine biñu utiliser pour def lool wala il faut faire gaffe ci affaire mom ku xamul mom bu mu wax légui nak ginnaw hatta ci nafiqi yu mak yi ni gaay bo tassé ñom té xamul li ngay wax dañ lay dajji dé alors dañ lay dajji yu metti après nak yow nga dal ñu ra di réconforter won ak ñom ci seen tiaxane ñu nekk wandi ñu né ñun li ñu nekk moy deug parfois dañ utiliser seen popularité wala ñu utiliser le fait que ñu nit ñi xam leen wala ñu utiliser yoyu non lañ utiliser ñu utiliser seen yene statut fekk liñu wax dara du ci deug xamuñu sax liñu wax ñom mais fo nga dajj leen lool nak mom motax dafa ragne ku xam deug ku nekk mu soobu ci yoonu jang diinem xam ko xam gu leer bañ di sukkandiko ci nenañ il paraît que man deg na suñu mbokk yi neen lañ wax wala ñun fi nak li lañ xam ci dëkk bi rew mi mom li mo fi dox di baña sukkandiko ci yoy baña sukkandiko waaw man dal amna ay kilifa yu ñuy deg ñuy wax nangam ak nangam lool du lay yoy du ay lay ak ñun fi kat ni lañ ko gisee suñu kilifa li lañ dedet diine dañ koy xam dafa am source yu leer nañ al qur'an moy source bi ak hadith yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bepp kaddu bo deg lenen lulu li lolou tuddul xam xam imam ash-shafi'i radiyallahu anhu kull al-ulum siwa al-qur'an mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi al-lafdh hadathana fama siwahu fawaswasu ash-shayatin bepp xéetu xam xam luñuy tuddé xam xam ci diiné té du alquran tiaxan la luñuy nénal la bamu dess ñaar moy hadith bu leer ak fekk ci diiné moy compréhension bu leer nañ ci diiné bo xamné ci diiné lay téggu dé téggu gu leer bepp nak baat bepp xam xam bo xamantene baatu hadathana da ca genn day leer dé xam xam day leer diw mo wax diw neena yenente bi neena sallallahu alaihi wasallam lolou moy xam xam xam xam bi tukke na ci alquran bu leer sunna bu leer wala bok lu ñu jele ci yoy wala ijma borom xam xam bi waye waxu borom xam xam yu mak yi mo tax ñuy wax buma kenn indil fi waxu ben samba jay bo pare nan ma han non mais c'est vrai bëgguma gëmlo ne ma loolu waxu borom xoxo bi la borom xam xam dañ koy xam borom xam xam day ragne ko du nek rek ne parce que moy waajo dekk tiwawan wala moy waajo dekk touba wala cën jassar mom lañ fa xamé ragne loolu te ki wul borom xam xam borom xam xam day leer nañ limi lay wax day leer wax yiip day téggu ci alcorane ak hadith bu leer bu mu la mëna citel mom ci dëndëm mela alquran bi li la wax hadith bi li la wax borom xam xam yi ni lañu wax li lañu wax waye yow di wax say wax lo xamni mom waji mom ci bopam bi wax wax ji tegul di wax ji ci ben aya te ko ci ben hadith wala bu ko dege ci aya wala ci hadith nam ko firi baxul nga bëgg ma gëm lo ni ma borom xam xam la parce que moy doomi diw wala doomi wala sa tudiw ko mom waxu ci xam la xam xam day leer manam non mais c'est vrai dañu tollu ci jamono jo xamantene il faut que wax ji di leer il faut appeler chacha chamu kenn dou la lolou di nuro tak wala muy nuro segg te wututi kenn dou ko wax parce que boko waxe am na ño xamne xamuñu luy segg ba nga nan lolou di nuro segg te wututi boko waxe am na ño xamul luy segg neel mous rek ñepp xam nañ mous mom boko waxe ñepp xam nañ ko fi no mur bi tamit non la il faut appeler chacha mur bi mu la non mais deugna manam il faut mbir mi leer xam xam wax lay doon yo xamne du nit ki moy tok di def ay waxi bopam ay di rafetal di utiliser ay expression yu rafet ak yoyu lolou c'est pas important ce qui est important moy li jugé na ci alcorane bu leer hadith yenenbi sallalahu alayhi wa sallam tukke na ci waxu borom xam xam yu jekk ya attention ñu jekk ñu lañ wax ñom ñu d'accordon ci loolu mom mo mata baye xel mom mata baye xel yalla ñu yalla sam amin wa xamna ni wa xamna ñu iyam fofu inshallah xamna parenthèse bi nak amul na solo wa yalla yalla sayyid amantu ni bokku wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.